Blue Roots fait sa rentrée sur les ondes. Blue Roots a la formation originelle, c'est-à-dire formation originelle mais avec des changements, avec DJ Bizou qui passe derrière le micro et ça fait un moment. Et la voix qui passe à la technique. Bonsoir tout le monde, en forme. On est content de reprendre la saison. On recommence en nouvelle saison de 2023. Ça va commencer fort parce que on va finir un petit peu tout au long de ces dernières années. On est remonté sur du Buddha Truth, on est remonté des chants de Codon jusqu'au hip-hop, en passant par la soul, par le jazz, les différents modes de jazz, le blues. Et du coup, l'année dernière, on s'est quitté avec un premier opus sur le hip-hop. En janvier, c'était le premier opus, donc on ne s'est pas quitté. On a quitté notre histoire de la musique afro-américaine en janvier. On a fait d'autres émissions que vous pouvez retrouver sur notre site entre janvier et juillet. Et là, donc, du coup, Julien, tu nous proposes un opus 2 de hip-hop. C'est ça, opus 2 du hip-hop, donc l'émission de septembre. Donc, comme tu l'as dit, en janvier 2022, on a fait une émission hip-hop sur les années 70-80, donc les prémices du hip-hop. Donc, avec ses débuts, des influences musicales diverses, on l'a entendu. Ah ouais, avec Fab Five, Basquiat, tout ça là. Basquiat, Africa Bambaata, il y a eu plusieurs groupes, Sugar Hill Gang. Et Blondie. Blondie, je fais référence, ouais, on l'a mis, je fais référence à. Voilà, avec des influences diverses. À ta BD. Du funk, de la soul, même du rock. Et je me suis toujours inspiré de la très bonne bande dessinée Dead Peace Corps. Donc il y a 3 tomes qui sont sortis. Et du coup, ça m'a permis d'avoir une base pour présenter un peu la naissance du hip-hop et son évolution. Et donc, on continue de voyager aux États-Unis, de la côte Est à la côte Ouest. Pour l'instant, parce qu'après, ça va se propager un peu partout. Mais dans les années 70-80, c'est vraiment les 2 places fortes, East Coast, West Coast, qui ont développé le hip-hop. Donc voilà, tu l'as dit, nous avons découvert Grandmaster Flash, Sugar Hill Gang. On rentre maintenant dans les années fin 80, début 90. Donc les artistes hip-hop sont désormais accompagnés par des labels, des producteurs plus expérimentés qu'au début, où ils avaient un peu de mal, ils jouaient dans des boîtes de nuit, dans des soirées, où ils n'étaient pas très soutenus. Les médias également vont faire la promotion de manière plus importante de ce courant musical. Grâce au morceau Rapture de Blondie, ouais, qui a été le premier à être balancé sur MTV. Et on va en reparler tout à fait, MTV. Ouais. Ah non, mais tu fais des transitions en avance, mais parfaites. On va en parler. Et ce qu'on se rend compte, c'est ça se voit aussi pour le reggae. Mais quand un nouveau tube de hip-hop à l'époque va conquérir la foule, il va être utilisé de manière instrumentale, par de nombreux artistes. Ouais, les artistes vont poser sur le même son. Ce qui se passait déjà des années 70-80 sur certaines lignes de basse. Ouais, ça commençait exactement. Ouais. Tout le monde voulait utiliser le son qui rameutait les foules. Et du coup, c'est le cas de Tisky Valley qu'on va écouter avec Heartbeat. Donc le morceau à la base, le morceau qu'on va passer, il n'est pas du tout apprécié par le DJ de la radio qui doit passer le son. La radio qui s'appelle Boed Record Radio. Donc il est utilisé comme jingle publicitaire de la radio. Mais là, ce qui va se passer, c'est que les auditeurs, ils vont entendre le son du jingle publicitaire. Et ils vont se demander, mais on veut écouter ce son. Et donc, d'accord, sous la pression, ils vont être obligés de passer ce titre. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis sur la notion de DJ, c'est ce qu'on avait vu aussi dans les années 60, où c'était aussi les DJ qui avaient la main sur toutes exactement. Les programmations. Quoi. Donc ça perdurait au moment 20. Pour le hip-hop, c'était un peu du même niveau. Quoi. C'est vraiment ça. Les DJ de radio qui passaient les morceaux qui voulaient. Hein, et donc les auditeurs de Buddha Truth aussi vont vouloir écouter ce son, hein, comme les auditeurs de l'époque. Ouais, pour l'instant, ils réclament la voix de Pierre Julien, mais elle va arriver. Elle est toujours là, la voix, t'inquiète. Donc on va s'écouter un Tisky Valley, 4 beats. Woo! Ha! and everybody's so glad you're here. All the people in the front, the people in the rear. When you came to the door, you was expecting to see Grand Groove Rock, the ceremony. Well, I'm the capital T, as in tech. I got the double E, which follows in the back. I'm the S, the K, and the I. I'm the lady romancer, I'm the cool fly guy. I'm the lady chaser, I'm the rhyme creator. When I say a deaf rhyme, Frank, you never hear one greater. Like a hip hop, a little hip hop, a dab, a listen to the T-Skin while I rock the spot. I catch the beat. I catch the beat. It's the B-B-E-E-A-A-T-T-T-T. It's your body. I catch the beat. Your mind and your body. Well, the ground is moving, everybody's grooving. They got the fly girls clapping their hands. Oh, well, the best of the deaf MCs in the West. T-Ski is on the mic stand. Somebody started something, everybody's jumping. All the girls are in a fist fight. You see they melt like butter when they see Slick Crocker make his appearance of the night. And if you're thinking that we'll get you spanking, you know that you're on the right track. Because the crew that should be the head of your head, cause you know we got it like that. I catch the beat. So sweet. It's the G-R-A, the N, the D, the G-R-O, the V, the E, the B, the E, the grand groove beat in your body. I catch the beat. And now T-Ski, I'm not quite through. I got another funky break for you. Hit it. Just an itty bitty lad, my mama said to me, T-Ski, you have a golden voice, you know you make a deaf MC. So these words she said, they stuck in my head, I remember them to a T. There's a lot of MCs out in the land, but there's one better than me. Now I catch the beat. So sweet. No matter how you start, you still got beat. I catch the beat. Oh. Oh yeah. I stomp your feet. It's the beat that makes you want to freak. A one night off, a 7 days a week. I catch the beat, the funky beat. Come on, yo, I get them out to see. I catch the beat. Well, I'm good, bad, I am the best. You just give me a mic, I'll pass the test. Just rocking the beat with the most finesse. I'm gonna do it at your request. Because I am the man with the master plan. I got more rhymes than the beast got sand. The herd of me in Germany, London, Paris, other countries. You see, I put on a show for the Eskimos in Tokyo. I had them on the go. And sure as God can make it rain, I write the same old beat in the state of Maine. Now catch the beat. It'll make you freak. A one night off, a 7 days a week. It's the B-B-E-E-A-A-T. In your mind, all in your body. It's the beat. It's the beat. I wanna put a smile on everybody's face. Some are give me a little taste of my face. I catch the beat. A young lady. ladies out there, I want you to know I'm a hell of a lover, and I guess it shows. I admit to myself, I'm not too old, but I'm 24 carat and I'm solid gold. I'm not made of brass, I'm not made of silver. I'm here to make your body shift. Make your Patty Duke dance till your feet get sore. Make it say, T-Ski, won't you give me some more? I catch the beat. I'm so sweet. I catch the beat. And now Grand Groove isn't quite through. We got another funky break for you. Hit it. You got money in your pocket, clothes on your back. If you're not too skinny, you're not too fat. Somebody say, and you know that. If you like the way I rap and it sounds so sweet, everybody say, catch the beat. Catch the beat. Catch the beat. Catch the beat. I'm so sweet, y'all. I catch the beat. G-R-A, the N, the D, the G-R-O, the V, the E, the B, E-A-T, Grand Groove Beat, and your body, catch the beat. The beat beat. We'll make you get up and move your feet, I catch the beat. I'm so sweet. Very unique. I catch the beat. I catch the beat. Will it make you freak? A one day on, a 7 days a week. I catch the beat. Well, it's the B-B-E-E-A-A-T-T-T-T. It's your body. That's the B-B-E-E-A-A-T-T-T-T-T-T-T-T. In your mind. I catch the beat. The beat, the beat. Écoutez, Tiski Valley, très bon son, assez long, mais très bon son. Donc, on est dans les années 80, fin 80. Et fin 80, il y a un personnage important qui va suivre le hip-hop, qui va être un acteur majeur du hip-hop jusqu'à maintenant quasiment. Sidney. Rick Rubin. Sidney. En France, oui. Sidney a été important pour la France. Hein. Mais c'était années 80, 90 oh, je pense que c'était années 80. Hein. 80 entre 80 et 90, hein. Clairement. Hein. On fera peut-être une émission rap français. Hein. C'est vrai que ça pourrait être pas mal aussi, dans l'idée. On verra plus tard. Tout est ouvert. Là, le personnage, c'est Rick Rubin. Donc, c'est une star sur le campus de New York. Pourquoi? Parce qu'il a un matériel de studio d'enregistrement. Il a tout ce qu'il faut. Les platines, etc. Et donc, il y a un groupe House qui va être le premier à produire. Et il va aussi lancer sa marque, que vous connaissez sûrement, Def Jam Recordings. Ça vous parle, Def Jam Recordings, Stéphane? Ah, tu me vois. Ouais. Oui, oui, le Def Jam, ouais, bien sûr. Ouais, oui, c'est ça. Ouais. Parle, ouais. Et en fait, c'est Def Jam. Def Jam, c'est un clin d'œil aussi au DJ. C'est les initiales DJ. DJ, hein. Alors, tu peux rappeler, je te prends dépourvu là, mais dans le hip-hop, la différence entre les DJ et les MC? Les DJ, ceux qui passent le son, les MC, c'est les rappeurs. Voilà, et donc en fait, il pouvait y avoir des changements entre un MC était associé à un DJ, mais il pouvait changer après, jouer avec un autre DJ ou un DJ. Et la star, du coup, c'était les... À l'époque, c'était les DJ. C'était les DJ, les stars et les MC un peu moins. D'accord. Ah ouais, non, mais c'est tout un monde. Si on rappelle aussi, excuse-moi, que le hip-hop, ça ne se limitait pas qu'à la musique. Il y avait aussi la danse, le breakdance, le graph. Il y avait cinq et le beatbox aussi. Le beatbox, ouais. Beatbox, ouais, ça, c'est aussi... Bon, on n'en passera pas aujourd'hui. On le fera. Le beatbox aussi, ouais. On le fera dans les 10 minutes. C'est vraiment intéressant. On vous a réservé 10 minutes de beatbox. Improvisé. Pour le volume 3. Parce qu'il y aura Mathieu avec moi pour le volume 3 du hip-hop. On ne sait pas quand on la passera, mais il y aura un volume 3. Et donc, ce Rick Rubin, qui a lancé donc, du coup, le label Def Jam, il va produire, donc c'est ces mots, hein, ces petits cons de Beastie Boys. Les Beastie Boys, à l'époque, ils ont entre 18 et 20 ans. Les mecs, ils glandent toute la journée. Et ils se lancent dans un canular téléphonique. Ils vont commander 800 glaces à Karel Ice Cream. Et dessus, donc ils vont enregistrer le canular. Et ils vont mettre du son, des scratchs. Ils vont produire un album qui s'appelle Cookie Puss. C'est leur premier album. L'avantage qu'il y a pour eux, c'est que le neveu du glacier est fan du disque. Donc du coup, il n'y aura pas de poursuite. Parce que le neveu convainc le glacier de ne pas, pas les poursuivre. Et c'est ce qui va lancer du coup les Beastie Boys. Voilà, pour en venir aux Beastie Boys. Ouais. J'ai une question sur les Beastie Boys. Vas-y. C'est, en fait, eux, ils sont arrivés au début de la vague hip-hop ou c'était déjà bien enclenché à New York? Parce que j'ai du mal à les cerner. Enfin, ouais. je vois qui c'est, je connais les chansons, il n'y a pas de problème. C'était vraiment au début. Hein. C'était vraiment, ah oui, c'était vraiment au début, comme Run DMC. 86-87. Pour moi, ils étaient arrivés un peu après style Run DMC, enfin des groupes que tu vas passer tout à l'heure. Leur tout début, leur album n'était pas abouti. Mais ils étaient avant, enfin, ils étaient déjà rappeurs avant. Voilà, tout début. D'accord. Ouais. Donc ce Rick Rubin qui était dans leur campus, il les a produits, il allait dans leur studio d'enregistrement. Et donc on va s'écouter deux sons, on va s'écouter notamment le canular, parce que ce que je vous ai dit, c'est que le canular, ils ont enregistré, ils ont mis du son dessus, des scratchs. Donc on va s'écouter ce canular, cette chanson. C'est laquelle? C'est Cookie Puss. Cookie Puss. Et on va s'écouter un deuxième son des Beastie Boys. Yeah. get one. When do you want it for? Anytime, man. Just like now and shit, you know? The shit now. I'm talking now, baby. Damn bitch, hang up. I'll kick your ass, bitch. Écoutez deux titres de Beastie Boys. Bon, j'espère que vous avez aimé le canular. Écoutez un peu avec le glacier. Ouais. 800 glaces quand même, ils ont commandé. C'est simplement Beastie Boys, c'est New York. Hein. Oui, c'est pas oui, le Bronx. Non, pour l'instant, ouais, on est vraiment à New York. Et on va rester à New York avec un groupe aussi très connu. Là aussi, un studio aménagé dans un grenier. Ah, il y a eu les Garage Band et là, c'était les Grenier Band. Ouais, les Greniers. Les mecs vont jouer entre eux dans des soirées, comme ça, ils vont totalement improviser. Et Russell Simmons, Run Andy, ça vous parle peut-être déjà. Moi, ça me parle parce que j'ai lu la BD. Ah, t'as vu la BD. La BD des années 70-80, il est petit. Ouais. Ouais, j'ai fait le lien. Et ils vont produire It's Like That. Déjà, ce titre-là peut-être vous parle. Et cet album sera dans toutes les soirées hip-hop en vogue du coin. Ils vont vendre 20 000 exemplaires en une semaine. Ça va faire un carton à l'époque. Bon, ils ont un problème avec le nom du groupe. Au début, ça s'appelle Run and the MC. Ça leur convient pas. Donc ils vont raccourcir en Run the MC. Ils étaient aussi étudiants. Hein. Et vu que ça a très bien marché, on l'a dit, 20 000 exemplaires par semaine, ils vont vendre. Ils étaient étudiants, donc ils vont prendre un congé à durée indéterminée. C'est après que ça dévie. Alors, le gangsta rap, là, c'est que des petits étudiants. Des petits étudiants, je comprends. Beastie Boys, ils étaient. Alors, Run aussi, je sais pas trop. Beastie Boys, ils étaient bien amochés, quand même. Ouais. Dans le côté. Mais, comme on disait hors antenne, j'ai jamais su si c'était scénarisé ou pas. En gros, s'ils se faisaient des coups de pub à la Sex Pistols, on fait n'importe quoi, ça nous fait de la pub, parce qu'ils ont fait vraiment n'importe quoi, voire des trucs violents. Ou si c'était vraiment ou si c'était vraiment comme ça dans la vraie vie, quoi. Visiblement oui, et ça va devenir, ils vont être considérés eux comme les premiers rockstar hip-hop. Donc les Run-DMC, vraiment les premiers rockstar hip-hop. Ils vont faire un premier concert, ils vont arriver en tenue d'étudiant, veste à l'époque d'étudiant quasiment costard, les uniformes qu'on voit dans les universités américaines. Et là, le public va les entendre chanter, les entendre rapper, ils vont pas comprendre. Ils vont se dire, mais ça va pas du tout avec l'image qu'ils ont. Ouais, c'est décalé, ouais. Concert d'après, le producteur va dire, non, là vous habillez en survêt. J'ai un contrat avec Adidas. C'est eux qui ont relancé Adidas, je crois. Ouais, possible. Je crois que c'est à cette période où Adidas a négocié, je veux pas dire de conneries, mais il me semble que Adidas était vraiment pas super bien, et avec cette mouvance rap, peut-être Mnissi ou d'autres, et ça a relancé la marque. Les mecs avec leurs grosses baskets blanches et tout. Voilà, vérifier, il faudra regarder sur les photos, je suis pas sûr de mon coup. Hein. Ouais, ils ont toujours fait ça Adidas. Pour le hip-hop, c'est vraiment maintenant des tenues à la cool. À la cool. En tout cas, eux, c'était habillés en noir avec baskets blanches. Exactement, le bob. Et tu confirmes que tout vient de New York, en fait. Oui. Pour le coup... À ce moment-là, oui, tout vient de New York et ça va se propager, hein, bien sûr. Mais il y a sûrement des artistes à l'époque qui sont... Ouais, mais enfin, ça bouge à New York. Sur la West Coast, mais c'est beaucoup à New York. Sur ces artistes dont on parle aujourd'hui. Mais on va y venir, les East Coast. Oui. Donc, on va s'écouter deux sons de Run DMC. Moi, je suis un grand fan perso. Ça fait beaucoup, mais ça fait un peu. Je suis un grand fan de Run DMC. C'est un son que j'écoutais quand j'étais jeune avec mes potes. Ça fait une phrase de rap. Hein. Moi, je suis un grand fan perso. Comme si t'avais fait une battle, en fait. Voilà. Ah, mais on va en parler après. Ah, tu fais des transitions à chaque fois. Pas mal. Donc, on va s'écouter 200 de Run DMC, It's Like That notamment. Don't know why. watch out, homeboy, don't let it catch you. Prices go up. Don't let your pocket go down. When you got short money, you're stuck on the ground. Turn around, get ready. Keep your eye on the clock. And be on point for the future. Shop, hard time. Hard time. Hard times are coming to your town. So stay alert. Don't let them get you down. They tell you times are tough. Donc voilà, on va écouter deux titres de Run DMC. On va y revenir hein, sur ce groupe-là qui est un peu iconoclaste des années ouais, fin 80, début 90. C'était le chiffre, ils étaient trois. Les Beastie Boys, c'était trois. Run DMC, c'était trois aussi. Run DMC, c'était trois, oui, tout à fait. Un DJ de MC, donc. Mm. C'est ça, le mec qui s'y connaît. Un DJ de MC. Ouais. Sauf que les Beastie Boys, eux, j'ai l'impression que c'était... Ils étaient trois. Ils étaient trois MC. Enfin, dans les vidéos, tu vois pas. Non, il y a un producteur sûrement qui. Ouais. Ils doivent sûrement prendre des DJ différents. Ouais, mais eux, c'était Zarb. Maintenant, on va parler d'un artiste. Herbie Hancock. Ça vous parle? Bon, on a parlé. On a parlé pas mal. Hein, quelques fois, ouais, depuis 2018. Herbie Hancock. Donc, Herbie Hancock, il a déjà introduit la funk. Les synthés, une bonne dose de fantaisie dans l'univers du jazz. Hein. Vraiment, mm-hmm. C'était un précurseur. Tout à fait. Et donc, associé à Fab Five Freddy, on en a parlé lors de la première émission. Alors, Fab Five Freddy, c'est celui qui a intégré plus ou moins le hip-hop dans le milieu un peu arty. Arty new-yorkais, Andy Warhol, et bon, on parlait de Blondie, lien, tout ouais. Ça, il a fait le lien. Ouais. Exactement. Tout à fait. Hein. Et donc, Herbie Hancock avec Fab Five Freddy, pardon. À l'aide de matériel électronique, ordinateur, platine, clavier électronique, ils vont produire Rock It. Oui. Un titre qu'on va écouter qui est bien connu. Sûr. Hein, ouais, très qui connu, est connu ouais. Bien sûr. Et donc Herbie Hancock, lors de la cérémonie en 84 des Grammys, il va jouer ce morceau. Ils vont remporter le prix de la meilleure interprétation R&B musicale. Donc un titre que tout le monde connaît, hein, mais en le disant comme ça peut-être pas, mais en l'écoutant, tout le monde connaît. Tout le monde connaît, et c'est en plus par rapport à Herbie Hancock, c'est certainement le titre qu'il a fait connaître au, enfin, je veux dire, au public, enfin, au sens large, parce c'est que ça. C'était un grand producteur, musicien, on l'a vu avec le jazz, avec tout ça. Mais c'est certainement par rapport à ce titre-là qu'il est devenu, et après aux relations qu'il a eues avec qu'il a produit Michael Jackson. Quoi. Ouais. Mais, il était très curieux voilà, de connaître d'autres styles de musique, et, le hip-hop qui émergeait à l'époque. Il voulait connaître un peu ce qui pouvait se faire avec comme eux. Comme les Clash. Voilà. Comme les Clash. Bon, on y revient aussi, bien sûr. Donc on va s'écouter le titre Herbie Hancock, Walk It. Voilà, on vient d'écouter Herbie Hancock avec Rock It. Et donc, à l'époque aussi, voilà, le hip-hop est bien en place. Il y a des émissions de télévision, qui vont se développer. Sydney, on en parlait tout à l'heure. C'est vraiment spécialisé dans les chaînes locales. Ah ouais. New York, Los Angeles, un peu partout, Chicago aussi. Chicago. Et au niveau national, il y a MTV, t'en as parlé tout à l'heure. Mm. Ils ont mis tellement de temps à passer des artistes... noir, que ça en devient gênant. Et donc, avec le succès phénoménal de Thriller, de Michael Jackson, mm-hmm. vous vous rappelez du clip avec les zombies, mm-hmm. je l'ai. Réalisé par... je l'ai pas. C'est George Romero, il me semble. Je sais pas du tout. Vérifier, mais là, il faudrait que j'appelle, chez moi pour avoir toutes les infos sur Michael Jackson, parce que moi, non. Et donc, à partir de ce clip, Thriller, de Michael Jackson, MTV, la direction va se décider, ils vont commencer à introduire un peu de couleur dans leur programmation. Et le seul titre rap qu'on ait pu voir à l'antenne était jusque-là Rapture de Blondie, ouais, avec Grandmaster Flash. Avec quoi, ouais, et Basquiat qui joue entre guillemets, et Five Freddy qui joue aussi avec son acolyte là qui graffe, oui, en fond. Oui, oui. Et eux, c'est vraiment la base du hip-hop, enfin, ouais, ce que tu disais. On va aussi voir Run DMC qui vont passer sur MTV, voilà, d'autres groupes qui vont être diffusés. Donc, je disais tout à l'heure, ils vont devenir les premiers rappeurs rockstar, hein, Run DMC vraiment. Et des artistes aussi graffeurs comme Brim Fuentes vont aussi créer le décor. Ils vont être aussi appelés pour créer les décors dans les studios et le logo d'émissions hip-hop sur MTV. Voilà, de plus en plus, le courant hip-hop va s'immiscer un peu dans les émissions de télé, sur MTV notamment. Ouais, où MTV a vu qu'il y avait du pognon à se faire avec le hip-hop. Il y a sûrement une histoire d'argent aussi. Un peu la version américaine, ça. Du coup, ils vont être les à bras ouverts. Oui, bah, les deux s'y retrouvent, quoi, clairement. Il y a également des émissions de battle hip-hop. Ça se met en place à ce moment-là, tu en as parlé tout à l'heure. Ouais. Qui vont se mettre en place à la télévision. Donc Run DMC va y participer. Et de nombreux aussi autres artistes, comme Houdini. On va pas le passer ce soir, mais c'est un artiste aussi qui a beaucoup fait de battle hip-hop à l'époque. Il y a un sport majeur aux États-Unis qui est beaucoup joué, qui est très populaire chez les Afro-Américains. Stéphane, tu es fan en plus de ce sport. Bah alors, je suis fan de basket. Parce que... Basket, exactement. Et ils se rendent compte que les rappeurs n'en parlent jamais dans leurs titres, dans leurs chansons. Et il y a un premier artiste, Curtis Blow. Il va enregistrer le titre Basketball. Ça ne s'invente pas. Et ça va faire un tube. Son album, il va devenir disque d'or en 84. En partie grâce à ce titre. Qui avait déjà fait un titre. Qu'on avait écouté. Qui avait connu, qui break. C'est ça. Ouais. On l'avait passé lors de la première émission, du premier volume hip-hop. Et Curtis Blow, c'est blow, ce que ça signifiait. Explosion. Soufflé. C'est soufflé, c'est ça, non? Cocaïne. Cocaïne. Ah, il y a... Ok. Bon. Après, il y a souvent des noms comme ça, des noms à double sens. Donc voilà, Curtis Blow. C'est surtout sa femme qui va lui souffler. Il faut faire des titres sur le basket. Ça, c'est la légende qui le dit. Hein. On ne sait pas. Et notamment la légende, c'est que c'est sa femme qui lui a dit. Il y a même la NBA qui va l'inviter, quand il aura sorti ce titre, à jouer dans les salles de basket pour grossir les rangs du public. Donc on va s'écouter Curtis Blow. Avant ça, on va s'écouter aussi un deuxième titre. Je vais l'introduire. Public Enemy, le groupe. Public Enemy, effectivement, oui. Un groupe connu, très connu. Bah oui, quand même. Un groupe qui s'est monté en 1987. C'est un groupe aux paroles politiquement controversées et notamment très critique envers les médias américains. Et justement, alors là, est-ce qu'il y a une bascule entre le rap festif, le rap festif et le rap engagé? Avec Public Enemy que ça a commencé à... Avec ce groupe-là, ils ont commencé à aborder des sujets. Ouais, c'est eux qui ont commencé, les cops et machin, tout ça, c'est eux qui ont commencé. C'est à ce moment-là où il y a une bascule, quoi. D'autres groupes engagé, après, on l'ont repris, on va en parler juste après. Mais oui, ils ont commencé. Ils parlent notamment, voilà, comme tu le dis, dans leur morceau, des frustrations, des problèmes rencontrés par les Afro-Américains. C'est un peu la thématique de l'émission. Et même pour des histoires d'argent... Ils vont commencer à produire eux-mêmes leurs marques. Ils vont casser leur contrat avec les producteurs, comme Def Jam, etc., parce qu'ils ne sont pas d'accord avec leurs règles, leur toute-puissance. Ouais, enfin, s'autoproduire, quoi, monter leur truc. Voilà, ils vont s'autoproduire. Ils vont faire notamment la première partie, ils vont se faire connaître comme ça. Ils vont faire la première partie de Beastie Boys à leur début. Donc c'est ça qui va les lancer aussi. Oui, Beastie Boys, ouais, d'accord. Dans tout l'État de New York. Donc on va s'écouter deux titres. Donc en premier lieu, Curtis Blow, Basketball, on en a parlé, et Public Enemy, You Gonna Get Yours. Just like I'm the king on the microphone, so it's Dr. J and Moses Malone. I like slam dunks, take me to the hoop. My favorite play is the alley oop. I like the pick and roll, I like the give and go, cause it's basketball, but Mr. Kirch's flow. Earl the Pearl and Will Big O and Jerry West play basketball at its very best. Basketball has always been my thing. I like Magic Bird and Bernard King. And number 33, my man Kareem is the center of my stoning team. Suckers to the side, I know you hate my name. Voilà, on va s'écouter Public Enemy. Et maintenant, on a parlé un peu de rap entre guillemets engagé, qui est voilà, avec des paroles politiquement controversées, on l'a dit pour Public Enemy. Ouais. Et là, on va passer à N.W.A. Ça te parle ? Ouais. Ouais. Dr. Dre. Oui, ça parle quand même. Enfin, je connais pas. Il rentre dans le game. Ouais, ouais, ça, je connais comme ça, enfin, deux noms. C'est vrai que je suis pas. Donc, ils viennent de Compton. Ah, on bascule de l'autre côté. On traverse. East Coast. West Coast, pardon. West Coast, ouais, déconne pas. On l'avait fait déjà. Je rebondis sur l'histoire. East-West, on l'avait fait à une époque avec le jazz aussi. Où il y avait un côté jazz East Coast à l'époque, je crois, du free jazz. Et West Coast, c'était plus le jazz blanc, entre guillemets, quoi. Mais bon, bref, c'est pour faire un petit parallèle avec ce qu'on a fait il y a quelques années. Bah là aussi, il y a une, je sais pas si c'était une rivalité dans le jazz, mais il y a en tout cas une rivalité non. assez importante entre le East Coast et West Coast qui va être dramatique. Qui va progresser de manière dramatique. Ouais, bah après, il y avait aussi des rivalités entre quartiers ou machin, donc aussi, c'est ni plus ni moins qu'extrapolé. Et donc, NW, ils sont considérés comme. Alors, il y a plusieurs membres dans ce groupe, Dr. Dre, on l'a dit, Ice Cube. Ouais. Un grand acteur maintenant qui joue dans beaucoup de films. Eazy-E qui est malheureusement décédé. DJ Yella également. C'est pas sur eux qu'il y a eu un film ? Exactement. Ah, N.W.A. Straight Outta Compton. Oui, voilà, ouais. Straight Outta Compton. Le film qui est sorti il y a 5-6 ans. Très bon film. Qui parle un peu de leur début. Ouais. Et des difficultés qu'ils ont eues parce que c'est vraiment eux, c'est synonyme de la popularisation du gangsta rap. C'est vraiment eux les premiers qui vont se faire interdire par de nombreuses radios, même voir des concerts, on le voit dans le film, parce qu'ils sont un peu hostiles envers la police notamment. Ils ont quelques titres très hostiles envers la police, les médias, voire la politique. Est-ce que ça voudrait dire que le fait de ce qu'on disait tout à l'heure là, sur le rap, ça vient de New York, et le gangsta rap, ce serait plus le côté ouest ? Il a plus dans l'idée. Les débuts, il a émergé, c'est vrai. Après, je ne suis pas un spécialiste non plus. Mais c'est vrai que ce qu'on voit sur les premiers groupes dans les années 80-90, c'est vraiment N.W.A. qui a commencé à attaquer les institutions. Donc on va s'écouter Straight Outta Compton de N.W.A. Et on va présenter aussi un deuxième artiste qui vient aussi, lui il vient de New York, LL Cool J. Mm-hmm. Ça vous parle aussi, je pense. Il a été rappeur, mais c'est un acteur maintenant aussi. Beaucoup sont devenus acteurs. Et lui, c'est un peu une star, un peu, il a été popularisé comme Run DMC et Curtis Blow, ça a été vraiment des rockstars, ces rappeurs. Donc on va s'écouter N.W.A., LL Cool J, et Eric B. and Rakim, un très bon titre aussi de l'époque. C'est deux rappeurs, un titre très connu à l'époque. You are now about to witness the strength of street knowledge. Yeah.

This is a journey into sound. This is a journey into sound. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value. When all is ready, I throw this switch. Pump up the volume, pump up the volume. Pump that bass. This broadcast bring you a special news bulletin from our on-the-spot passport. Oh my gosh. The music just turns me on. Thinking of a master plan. Death with the record. Death with the record. Thinking of a master plan. Death with the record. Death with the record. Thinking of a master plan. This ain't nothing but sweat inside my hands. So I dig into my pocket, all my money spent. So I dig deeper, but still coming up with lint. So I start my mission, leave my residence. Thinking how could I get some dead presidents. I need money, I used to be a stick up kid. So I think of all the devious things I did. To roll up, this is a hole up, ain't nothing funny, stop smiling, you still don't nothing move but the money, but now I learn to earn cause I'm righteous, I feel great, so maybe I might just search for a 9 to 5, if I strive, then maybe I'll stay alive, so I walk up the street, whistling this, feeling out of place, cause man do I miss, a pen and a paper, a stereo, a tape for me and Eric being a nice big plate of this, which is my favorite dish, but without no money, it's still a wish, cause I don't like to dream about getting paid, so I dig into the books of the rhymes that I made. So now it's a test to see if I got pulled. Hit the studio, cause I'm paid in full. Pump up the volume, pump up the volume. Wait a minute, you better talk to my mother. Écouter Eric B. and Rakim, Paid in Full. On sort des années 80 là, ça y est, on arrive aux années 90. Stéphane, tu vas nous en parler un peu plus. Oui, alors moi je vais faire une petite passerelle justement entre espace-temps 80-90, espace-temps aussi, 20h passées de 15 minutes et vous êtes toujours sur Radio Mon Pays. Et c'est 90.1, c'est la rentrée de Blue Dat Roots. Hip-hop opus 2, suivi d'un hip-hop opus 3 un peu plus tard, c'est ça ? On espère. Et un French hip-hop opus 4 ? Non. Peut-être une chronique. Parce ouais, t'es parti là. Ouais, on va en discuter, on verra. Ouais, alors moi je vais faire un petit parallèle sur, sur le lien entre le hip-hop, en fait, et un peu le cinéma. Mais en fait, c'est une réflexion qu'on a eue en regardant, je vous le dis cash, hein, une réflexion qu'on a eue en regardant un film avec ma femme. Et un film des années 80. Et dans ce film, il n'y avait pas d'afro-américain. Et c'est un truc que ça nous a marqué. On s'est dit, tiens, mais il y a un truc bizarre. Enfin, voilà quoi. Et du coup, dans le pâté. Ouais, je ne sais pas. Mais bon, c'est parti un peu de là. Et vu qu'on parlait de l'émission, je vais faire un petit parallèle. Il y a un film aussi dont on parlera tout à l'heure que j'aime bien. Bref. Et donc, du coup, en regardant, me documentant un petit peu, pour moi, l'un des premiers films, je dirais grand public, hein, à aborder la culture gangsta, hip-hop, C'est certainement le film Colors, réalisé par Dennis Hopper en 1988. Dennis Hopper, c'est quand même la légende d'acteur. Ouais. Hein. Voilà. Et alors, ce qui était paradoxal dans ce film, c'est que ça, c'était un des premiers films qui a décrit les affrontements, justement, entre les gangs. Alors, les fameux Crips et les Bloods, rouge-bleu. Dans les quartiers, donc, on reste à Los Angeles, South Los Angeles, Echo Park, Westlake, Eastside. Dans ces quartiers-là, mais en fait, il décrivait ces affrontements, mais le film mettait en avant quand même deux acteurs blancs, c'était les personnages principaux, et c'était pas les moindres, hein, Sean Penn et Robert Duvall. Policiers, non. C'était deux policiers, oui, tout à fait, qui géraient donc, alors Sean Penn, bon, le fils d'eux, et Robert Duvall, pour ceux qui connaissent un peu, c'est le fameux, je sais pas, général ou colonel, je pense, colonel de la cavalerie héliportée d'Apocalypse, non, avec Valkyrie, qui simplement, bon, bah, va réduire au napalm un village pour simplement voir un mec surfer. Je sais pas si vous voyez ça. Bon, bref, Robert Duvall. Donc ça, Colors, certainement le premier film pour moi de la culture gangsta. On va écouter le morceau du film chanté par Ice-T et on reprend la chronique. Yeah, this album is dedicated to all the teachers that told me I never amount to nothing. To all the people that lived above the buildings that I was hustling from that called the police on me when I was just trying to make some. Yo, is let's do this. Walking, psychopath talking, king of my jungle, just a gangster stalking, living life like a firecracker, quick as my fuse, vendettas of death, back the colors I choose, red or blue, cuz of blood, it just don't matter, sucker died for your life when my shotgun scatters, color. The gangs of LA would never die, just multiply colors, colors, colors. You don't know me, fool. You disown me, cool. I don't need your assistance. Social persistence. Any problem I got, I just put my fist in. My life is violent, but violent is life. Peace is a dream, reality is a knife. My colors, my honor, my colors, my all. With my colors upon me, one soldier stand tall. Tell me, what have you left me? What have I got? Last night in cold blood, my young brother got shot. My homeboy got jacked, my mother's on crack. My sister can't work cause her arms show tracks. Madness, insanity, living profanity. Then some punk claiming they're understanding me. Give me a break, what world do you live in? Death is my set, guess my religion. Colors, colors, colors, colors, colors, colors, colors, colors, colors, colors, colors, colors, colors, colors, colors, colors, colors, colors, colors, colors, colors, colors, colors, colors, colors, colors, colors, colors, colors, colors, colors, colors, colors, colors, colors, colors, colors, colors, colors, colors, colors, colors, colors, colors, colors, colors, colors, colors, colors, colors, colors, colors, colors, colors, colors, colors, colors, colors, colors, colors, colors, colors, colors, colors, colors, colors, colors. My pants are sagging, braided hair. Suckers stare, but I don't care. My game ain't knowledge, my game's fear. I've no remorse, so squares beware. But my true mission is just revenge. You ain't my set, you ain't my friend. Wear the wrong color, your life could end. Homicide's my favorite binge color. Listen, man, no matter what you do, don't ever join a gang. You don't wanna be a gang. He's gonna end up in the midst of death. So I'll just walk like a giant, police defiant. You'll say to stop, but I'll say that I can't. My gang's my family, it's all that I have. I'm a star on the walls, my autograph. You don't like it, so you know where you can go. Cause the streets are my stage and terror's my show. Psychoanalyze, try diagnosing me. Why? It wasn't your brother to brutally die, but it was mine, so let me define my territory, don't cross the line. Don't try to act crazy, cause that shit don't faze me. If you ran like a punk, it wouldn't amaze me, cause my color's death. Though we all want peace, but our war won't end till all wars cease. See the colors of the street, man. Always see the man. Ice-T, Colors. Donc, comme je vous disais, voilà, Colors, certainement le premier film qui aborde cette question du gangsta rap en 88. Bah, en fait, il faut dire qu'à cette époque, les, comme je disais en intro, les acteurs afro-américains en tête d'affiche, et même pire, les réalisateurs afro-américains, bah, étaient pas vraiment légion. Alors, il y avait les anciens, notamment Sidney Poitier, enfin, dans les années 60, mais bon, il y en avait très peu. Alors, si on voulait en trouver, il fallait regarder du côté de la Black Exploitation, dont on avait parlé pour l'émission sur le funk, notamment les qui sont devenus connus après, comme s'appelle Samuel Jackson. Oui, voilà, par exemple, qui a commencé par là. Bon, pour faire le lien entre passerelle 80-90, c'est vraiment avec Spike Lee, en fait, que le cinéma afro-américain va déjà se faire connaître, et notamment au niveau va devenir un cinéma de revendication. Il va se trouver souvent au centre de polémiques parce qu'il va dénoncer des choses qui n'ont pas l'habitude d'être dénoncées à cette époque. Et il offre pour une première fois une sensibilité. J'ai une vision afro-américaine de certains sujets. Alors par exemple, dans les grands films qui ont lancé Spike Lee, Nola Darling n'en fait qu'à sa tête, Do the Right Thing, Mo Better Blues, Jungle Fever, et puis il va faire aussi une bio sur Malcolm X qui est déjà assez marqué. Donc là, c'est vraiment le point de départ certainement du début, je dirais, du cinéma, enfin, je ne sais pas comment le dire d'ailleurs, là où vont apparaître les acteurs, réalisateurs afro-américains. Des années 90, début des années 90. On va s'écouter la chanson de Mo Better Blues. Mo Better Blues, c'est un film qui est des années 90, donc de Spike Lee. C'est ni plus ni moins que l'histoire d'un saxophoniste afro-américain qui joue, qui devient célèbre, qui laisse un peu tomber ses potes, enfin le truc basique, quoi. Mais c'est un petit clin d'œil aussi à je dirais, aux racines de Buddha Truth. Vederti. Donc là, essentiellement, on est vraiment au tournant des années 90. Et donc, c'est à partir vraiment de 90 où, je dirais, bah, les acteurs afro-américains vont trouver de plus en plus leur place au sein du cinéma grand public américain. Ils vont même atteindre le statut de star, hein, Will Smith, Denzel Washington, Morgan Freeman, Halle Berry, ou encore Forest Whitaker. Alors, Forest Whitaker, je fais la transition parce que Forest Whitaker, c'est l'acteur principal du film dont je voulais parler, qui s'appelle Ghost Dog. Il y a une super bande originale. Bien sûr, et puis on va en découvrir deux, trois morceaux. Donc, petit clin d'œil, Ghost Dog. Ghost Dog, qui s'appelle en français La Voix du Samouraï, c'est un film de Jim Jarmusch. Donc, Forest Whitaker, c'est aussi. Je ne sais pas si vous voyez l'acteur, il joue dans Good Morning Vietnam, entre autres. Bon, il a toute une play, enfin, c'est pas une playlist parce que c'est un acteur, hein, mais bon, voilà. Couleur de l'Argent, Platoon, Bird, bien sûr. J'ai failli l'oublier, mais c'est celui qui incarne. Donc, il joue aussi le père de. Il joue aussi dans le film Aussi, oui, non, mais il a une filmographie de façon énorme, quoi. Ouais. Et dans l'idée, donc, ce qui se passe, bon, voilà, le film Voix du Samouraï, c'est simplement un tueur qui se base sur les préceptes du Agakure. Donc Agakure, c'est le code d'honneur des samouraïs, et donc il jure fidélité à son maître jusqu'à la mort, un samouraï, quoi. Donc on écoute un petit morceau de la BO, parce que la BO a été globalement écrite par Ereza du Wu-Tang. Là, c'est un groupe qui s'appelle Royal Farm, ça s'appelle Walk the Dog. Voilà, donc le samouraï qui dédie sa vie à son maître. Et après, Walk the Dog, je vous expliquerai pourquoi je vous parle de ce film. It's a matter of being determined and having the spirit to break right through to the other side. When one has made a decision to kill a person, even if it will be very difficult to succeed by advancing straight ahead, it will not do to think about going at it in a long roundabout way. The way of the samurai is one of immediacy. And it is best to dash in headlong. Even if a samurai's head were to be suddenly cut off, he should still be able to perform one more action with certainty. If one becomes like a revengeful ghost and shows great determination, though his head is cut off, he should not die. Y'all niggas shitting on my sidewalk. Curb your dog. You can pay a penalty for that. Yo, sharp swords and rusty knives against dusty nines. You stink niggas with musky vibes. Battle cry, warrior stands, the black Pearl Harbor, smell of revenge. Worms in the air, spit like grandpa from down south. 360 roundhouse, I'm throwing planets and stars. All I need is two pieces of fish and five loaves of bread. Watch me feed 5,000, power the hill, out of the bill. Zip code unlisted, murder last night, the homicide missed it. Blood for blood, gang turf, the way of the samurai swore we bang first. Eat your food, test your flesh, lock jaws. You top dogs with paws, obey God's laws. Claim your set light reflects or water. My fam out of state selling quarters. Convicts with court orders, shoot the gift out the barrel. Multiple gunshot wounds or poison arrows. Mussar beats Pharaoh, bloody apparel. The streets look safe, but they narrow. Modern day just James, rob trains close range. Watches and chains, earrings, everything. Corporate thugs move on business campaigns. Blaze ignite the flame, I carry the torch. Walk through the valley of death and get scorched. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Shall lift out a man get shot. Right on the corner, ask for the no laws. Just because of that, they won't lock get on. Police helicopter fly on the rooftop. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. 2 minutes later, Babylon catch cock. In the staircase with the rust clock clock. Him never know, said them woulda come round back. Know him look like, said them lose contact. Wow, wow. beast sting. Assassinate your whole team with the 40 red beam. My sword gleam, sharpen my script as an arrow. Professional, loud my style, double barrel. I'm self-lord, master, natural disaster. Holy slang to splash ya, dark force to thrash ya. Blind eyes, polygamists got four wives inside my square. Rappers get buried alive, we never even put you in the dirt, still breathing. Perfection, gold mic touchdown, I'm blessing. Flames lick the flesh, shot at some of the best. Wendell play me at my rest, stabbed the kid in his chest. Now I got respect, running through boroughs, hoods, and towns. Niggas pull their pants down when I short a 4 pound. Verbally, fantastic, cop my rhyme. Blasted, Trapper Connie, classic, gun talk, gymnastic. Rude boy, shoot, seek, and destroy. My gold tech blast rappers from here to Quebec. Yo, lies born, Brooklyn raised. You niggas get more than grades. When I blaze my gauge, it's not an arcade. Done, my gun is Willis Hayes. I'm Holyfield, rappers is Tyson these days. Dark man, Wu-Tang Clan. Lot of dark man, Wu-Tang Clan. The killer, the killer. Wow, wow, wow, wow, wow. Shot, lick out the man, get shot. Right on the corner, and under no laws. Just because of that, they won't block that eye. Police and the cops fly on the road. Donc, je resitue le film parce que j'ai peut-être été un peu vite. Ghost Dog, c'est donc un tueur à gages qui vit seul et qui se fait appeler Ghost Dog, ce qui veut dire chien fantôme ou chien invisible. En fait, son sauveur, à la suite d'un incident, qu'il considère un peu comme son maître, vu que c'est un samouraï, il fait partie de la mafia italienne locale. Donc, quand la fille de ce parrain devient le témoin d'un des contrats de Ghost Dog, celui-ci semble alors... il est obligé de respecter son contrat. Et il sait que ça l'amène à la mort. Mais juste un détail dans le film, il aime beaucoup les pigeons. Oui, c'est vraiment... Pigeons, il élève les pigeons sur le toit. C'est son seul passe-temps, avec tuer les gens. Mais c'est un film qui est assez prenant. Bien, ouais. Alors, pour info, simplement, pour le petit clin d'œil, il y a un acteur qui s'appelle Isaac de Boncoli qui joue, qui a un rôle assez intermédiaire. Le glacier, qui est un peu le passeur entre Ghost Dog et puis sa successrice. Sa successrice, non, c'est la petite, je crois. Enfin, oui, il est muet, non, c'est... Oui, t'as raison. Et c'est lui qui va passer parce qu'il va avoir une successrice à Ghost Dog quand lui sait qu'il va mourir, quoi. Alors, pourquoi parler de ce film? C'est un petit clin d'œil par rapport à Colors, où Colors, on avait vu que c'était un film qui parlait de la culture gangsta afro-américaine, mais c'était quand même deux acteurs blancs qui étaient des personnages principaux. Et donc, le retournement de situation, c'est que là, on a un film qui nous parle de la mafia italienne et des codes d'honneur, le Hagakure japonais. Et l'acteur principal était un afro-américain. C'était un petit peu le clin d'œil... voilà, le petit basculement. Le petit basculement du truc. Et puis je reviens sur l'idée que la BO a été majoritairement écrite par Ereza. Donc Ereza, c'est Robert Fitzgerald Leigh. C'est ça, tu me corriges. Donc lui, tout droit, venu de Brooklyn, New York. Et rappeur, leader du groupe Wu-Tang Clan. La montagne, une des montagnes, une montagne chinoise. Et donc du coup, on va finir la chronique par deux morceaux tiré de la BO de Ghost Dog. Donc le premier morceau donc de Ereza en solo, c'est le Samurai Showdown et le Wu-Tang Clan Fast Shadow. Get your gun. Yo yo. Yo, it's the Samurai Showdown. Samurai Showdown. Showdown. Yo, DTN, how dare you challenge me? You will die for the tip of my sword today. You're courageous. You must remain calm. It's born war, young lord, raise your swords. It's born war, young lord, raise your swords. It's born war, young lord, raise your swords. It's born war, young lord, raise your swords. Hurling from the slums of Shaolin. Golden claw talent, twirling one swirl of the fatal sword, split your island. Root killer bees, stingers back on the swarm again. The alarm again, six direction, weapon deflecting, blows connect like opposite sides of magnets. Still fragments being chipped off a slinging sword slash, with the force of being grasped in your dashboard. With no airbag, he drove a 99 Jaguar. Quick to pick a lot, make a shot, respect the bloods and clips a lot. Plus the guard for Watt sagging in the seat, blasting moon beats. Trying to plot his next hit, he took a drag off the eight elements that compose atmospheric gas. About to let off his sword in full blast. Kept his mind focused, meditating, positioned half lotus. Avid sport novas, couldn't match his magnum opus. Deluxe stroke, Sun move like a ghost. Struck in an instant, unnoticed like a lamppost. Radar shot precision, gunfire explode to his clips alone. It's a samurai code. It's born, born, young lord, raise your sword. It's born, born, young lord, raise your swords. It's born, born, young lord, raise your swords. It's born, born, young lord, raise your swords. It's born, born, young lord, raise your swords. Time for everyone to go record. It's born, born, young lord, raise your sword. Time for everybody to go accord. Crept in silentness, still win. Chrome silencer screwed on tight, kept the gunshots concealed in. We attack full-fledged with Chicago door red, bandanas tied tight around our heads. Swing with the force of a sledge, single wedge, stainless steel blade, chop the wedge to this analog derelict's head. Who even thought that he could go against the truth and the gods and fall back from the will of Allah? You'll be facing the firing squad of a thousand archers out to mark you. The milk time scully king, box bullets like jelly beans. Birds in my nest resting up on the telly scene. Murder is rap track to me, it's legal felony. Can't accept what you analog cast be telling me. I get the verbal weapon, won't hesitate for 1 second to break your back like Big Jack from Tekken. It's born, born, young lord, so raise your swords. It's born, born, young lord, raise your swords. It's born, born, young lord, raise your swords. I'm saying, you could just come over top of that shit. Can I hear it? Nigga, and break your head, huh? And it don't stop. It all starts with the pad and pen. Shall we begin to run Bush in this rap session? Once again on the run, be the Black Stallion. Now you fucking with the Callion. Iron lung, boy, me can done. Army of one, blaze your bun. I'ma get you none except challenge. Ha, run a mile with a racist. They iced it, I aced it, placed it right up in their face till they faced it. Hard to the dome like a chrome microphone. I'm bad to the bone. Danger zone, that's my life and my song. Keep it moving, hop alone, little dog is. Driving Mac Cadillac, dark shaded window, all sunny black. Fake antenna back of the car, side is on TV, even the bar. Bulletproof down, safe and sound. Sober in the front, just to drive the Lexus all around. Give your body a ride, nice and warm aside. Come to the dirt dog, it's a cummy ride. Yo, a Wu-Tang clip will make your atom split. The power of my brain, you can't fathom it. Rubber go against the will of the grain, will get slain. Don't ever say die God name in vain. My third eye electronic dragonfly spiral observe and record your words and your lies and approach you. And have my dogs come and ghost you. When it comes to the bread, it's under heat with toast you. Music makes me lose control. This is not just rock and roll. Hip-hop digs right through the soul. Music makes me lose control. Wu-Tang, now we on the roll. On the rise, now here we go. Guaranteed to flip the show. RZA Beast is out of control. Out of control, out of control, out of control, now here we go. Yo, who caught that nigga gas like he can't get ski masks abducted from his doorstep? Duffel bag his head for the price of nothing. He's a glutton. When I'm manifesting, each day is a lesson. Y'all faggots came to the school of the 36 chambers, copying on papers of scholars to earn dollars. We trendsetters and woo leathers, trendsetters and woo leathers, whatever. Music makes me lose control. This is not just rock and roll. Hip-hop digs right to the soul. Music music makes me lose control. Wu-Tang, now we on the roll. On the rise, now here we go. Music makes me lose control. Music makes me lose control. Music makes me lose control. This is not just rock and roll. Hip-hop digs right through the soul. Music makes me lose control. Wu-Tang, now we on the roll. On the rise, now here we go. Guaranteed to flip the show. RZA Beast is out of control. Out of control, out of control, out of control. Now here we go. Voilà pour la chronique. Alors on finit vite fait, on va enchaîner avec du son parce que t'as encore pas mal de morceaux, Julien. À la suite de ce, enfin à la suite ou durant les années 90, il y a d'autres films hein, quand même qui font référence au hip-hop. On en parlait. Il y a Juice, Boys in the Hood, Mona Society, One Two, comme tes émissions de radio, Plus One, Plus Two, Plus Three. Et tu reprends la main sur la suite, pas Wu-Tang Clan finalement. Pas au début. On va y venir. Là, je vais parler de deux artistes, enfin deux rappeurs, vraiment deux icônes du hip-hop. East Coast, West Coast, la rivalité. Je pense que vous devinez. Tupac Shakur et Notorious B.I.G. Ah, t'as mis les deux. Ouais. Oui, comme ça t'auras pas de... Il faut les associer parce que... Comme vraiment, ça, t'auras pas d'embrouille. On pense qu'il y a une grosse rivalité, mais c'est vraiment les médias, les producteurs qui ont fait ça. Apparemment, oui. Ouais. Et c'est vraiment pas eux parce que... Eux, ils faisaient leur carrière d'artiste simplement. Donc Tupac Shakur, lui, il vient de New York. Il est issu d'une famille ayant milité de nombreuses années dans les Black Panthers. Donc Tupac, il décrit une enfance issue de la violence, de la misère dans les ghettos, le racisme, les conflits avec d'autres rappeurs. Ouais, c'est ce qui va un peu générer sa carrière. Il a une discographie très très riche. Il est mort trop jeune, hein, comme beaucoup. Et une filmographie aussi. Hein. Une filmographie, il a été acteur, bien sûr. Il a joué dans pas mal de films. Pas mal de films, ouais. Et il a une grosse rivalité voilà, avec Notorious B.I.G., qui lui vient de Los Angeles. Bon, après, il y a un personnage qui est un peu au milieu, le producteur Suge Knight. Ouais, mais c'est lui qui a foutu. C'est lui, apparemment. Bon, on ne sait pas trop. J'ai vu une émission sur eux, là. C'était du grand n'importe quoi, ce producteur. Oui. Dans leur maison de disques, c'était c'est ça, c'est hein, un gang c'est à l'intérieur. C'est des ouf, quoi. Des armes, chiens d'attaque, les meufs, hein, c'était même pas la peine. Mais par contre, moi j'ai toujours cru que c'était l'inverse. J'ai toujours cru que Tupac venait de la côte ouest. Et... Mais on croit ça. Et enfin, le son. Je le croyais. Ouais. Moi aussi, quand j'ai commencé à écouter, pareil, hein, j'étais comme toi. Et en fait, quand on écoute la sonorité des sons, on reconnaît bien quand même East Coast, West Coast, la différence. Donc on va s'écouter deux sons, un de Tupac Shakur et un de Notorious B.I.G. On va les réunir, s'ils ont besoin. C'est bien. Non, c'est joli. Non, alors là, pour le coup, tu peux rentrer tranquille, tu n'auras pas d'embrouille entre voilà. East Coast et West Coast, ils vont te laisser tranquille là pour le coup. Non, c'était beau. Say the blacker the better, the sweeter the juice. I say the darker the flesh and the deeper the roots. I give a holler to my sisters on welfare. Tupac cares, if don't nobody else care. And I know they like to beat you down a lot. And when you come around the block, brothers clown a lot. But please don't cry, dry your eyes, never let up. Forgive but don't forget, girl, keep your head up. And when he tells you you ain't nothing, don't believe him. And if you can't learn to love you, you should leave him. Cause sister, you don't need him. And I ain't trying to gas you up, I just call him how I see. You know what makes me unhappy? That when brothers make babies and leave a young mother to be a pet. And since we all came from a woman, got our name from a woman, and I came from a woman. I wonder why we take from our women, why we rape our women, do we hate our women? I think it's time to kill for our women, time to heal our women, be real to our women. And if we don't, we'll have a race of babies that will hate the ladies that make the babies. And since a man can't make one, he has no right to tell a woman when and where to create one. So will the real men get up? I know you're fed up, ladies, but keep your head up. Child, things are gonna get easy. Keep your head up. Ooh, child, things will get brighter. Oh, keep your head up. Ooh, child, night my buddy lost his whole family. It's gonna take the man in me to conquer this insanity. It seems the rain will never let up. I try to keep my head up and still keep from getting wetter. You know it's funny when it rains it pours. They got money for wars but can't feed the poor. Said it ain't no hope for the youth, and the truth is it ain't no hope for the future. And then they wonder why we crazy. I blame my mother for turning my brother into a crack baby. We ain't meant to survive cause it's a setup. And even though you're fed up, you yeah. Keep your head up. On their own. I know it's kinda rough and you're feeling all alone. Daddy's long gone and he left you by your lonesome. Thanks the Lord for my kids, even if nobody else want them. Cause I think we can make it, in fact I'm sure. And if you fall, stand tall or come back for more. Cause ain't nothing worse than when your son wants to know why his daddy don't love him no more. You can't complain, you was dealt this hell of a hand without a man feeling helpless. Because it's too many things for you to deal with. Inside, but outside you're looking fierce. While the tears is rolling down your cheek, your daddy hoping things don't all fall this week. Cause if it did, you couldn't take it. And don't blame me, I was given this world, I didn't make it. And now my son's getting older and older and cold from having the world on his shoulders. While the rich kids are driving bins, I'm still trying to hold on to surviving friends. And it's crazy, it seems they'll never let up. Yeah, this album is dedicated to all the teachers that told me I never amount to nothing. To all the people that lived above the buildings that I was hustling from, that called the police on me when I was just trying to make some money to feed my daughter. Yeah, yeah. And to all my peoples in the struggle, you know what I'm saying? It's all good, baby, baby. Shake it, shake it. It was all a dream. I used to read Word Up magazine. Salt and pepper and Heavy D up in the limousine. Hanging pictures on my wall. Every Saturday, Rap Attack, Mr. Magic, Molly Mall. I let my tape rock till my tape pop. Smoking weed and bamboo, sipping on private stock. Way back when I had the red and black lumberjack with the hat to match. Remember rapping Duke? Da ha, you never thought that hip hop would take it this far. Now I'm in the limelight cause I rhyme tight. Time to get paid, blow up like the World Trade. Born sinner, the opposite of a winner. Remember when I used to eat sardines for dinner? Peace to Raw G, Brucey B, Kid Capri. Fuck Master Flex, love Bug Star Ski. I'm blowing up like you thought I would. Call a crib, same number, same hood. It's all good. And if you don't know, now you know, you know. I made the change from a common thief to up close and personal with Robin Leach. Yeah. And I'm far from cheap, I smoke stuff with my peeps all day. Spread love, it's the Brooklyn way. The Moet and Alizé keep me pissy. Girls used to diss me, now they write letters cause they miss me. I never thought it could happen, this rapping stuff. I was too used to packing ice and stuff. Now honeys play me close like butter play toast. From the Mississippi down to the East Coast. Condos in Queens, in dough for weeks. Sold out seats to hear Biggie Small speak. Living life without fear. Putting 5 carrots in my baby girl ear. Lunches, brunches, interviews by the pool. Considered a fool cause I dropped out of high school. Stereotypes of a black male misunderstood. And it's still all good, so, and if so. You don't know, now you know. You know. Sega Genesis. When I was dead broke, man, I couldn't picture this. 50-inch screen, money green leather sofa. Got 2 rides, a limousine with the chauffeur. Phone bill about 2 G's flat. No need to worry, my accountant handles that. And my whole crew is lounging, celebrating every day. No more public housing. Thinking back on my 1-room shack. Now my mom pimps a act with minks on her back. She loves to show me off, of course. Smiles every time my face is up in the sauce. We used to fuss when the landlord dissed us. No heat, wonder why Christmas missed us. Birthdays was the worst days. Now we sip champagne when we thirsty. Damn right, I like the life I live. Cause I went from negative to positive, and it's all good. And if you don't know, now you know, you know, you know. And if you don't know, now you know, you know, you know. That's right, that's right. So, so, And if you don't know, now you know, you know. Let the beat down in the house. Junior Mafia, Mad Flavor. I see you, I see you, I see you. Yeah. Là, c'est... Exactement. C'est longtemps qu'on n'a pas entendu ça. C'est du roots, justement, hein, celui-là. Clairement. Donc voilà, on a écouté Tupac Shakur et Notorious B.I.G. Maintenant, on va revenir au Wu-Tang Clan que tu as présenté. Donc, un groupe de New York, dans le début des années 90. Il y a une bonne série en aparté sur le Wu-Tang Clan qui s'intitule Wu-Tang Clan, An American Saga, qui passe, je ne sais plus sur quelle plateforme, mais voilà, une très bonne série. Qui parle un peu de leur début. Donc, premier album pour eux en 93, c'est l'album Enter the Wu-Tang 36 Chambers, excusez mon anglais. Donc, dans leur texte, les grands thèmes du rap, la pauvreté, la drogue, la conscience noire aussi. C'est du Zola, quoi. Voilà, exactement. Il y a aussi d'autres thèmes qui viennent se rajouter. Les échecs, les arts martiaux, dont tu as parlé dans Ghost Dog. Ouais. C'est eux qui ont fait la bande originale, Thomas Herza. Et la mythologie asiatique. Ah oui, donc on retrouve un petit peu... Ouais. Ils sont reproduits dans leur rap. D'un côté où t'attends. Mais... Donc, visiblement, ils allaient voir des films hongkongais, des films de... Bruce Lee. Voilà. Ah, hongkongais, c'est Bruce Lee. Hein. Bruce Lee, Jet Li, dans les cinémas de Chinatown. Ils passaient même dans leurs titres des dialogues de films de combat. D'accord. Dans leurs titres. Et Wu-Tang, l'origine du nom, on en a parlé tout à l'heure. Oui, la montagne, c'est une montagne chinoise en Chine. C'est une montagne chinoise qui apparemment est construite de nombreux temples taoïstes, un des mythiques des arts martiaux chinois. C'est là où il y a le Wing Chun, c'est la base des arts martiaux. Donc voilà, Wu-Tang Clan, on entend en ce moment le titre qu'on voulait passer de l'album, leur premier album en 93. Donc un groupe, un des plus grands groupes de rap de hip-hop américain. Moi je reviens sur les arts martiaux, je les connais parce que j'ai vu les Kung Fu Panda. Ah mais c'est ça. Je fais le lien avec la filmographie. Petite dédicace à tous les fans de Jim Jarmusch. Film d'auteur. Non mais on en parlait, mais n'hésitez pas à retourner voir le fameux et j'ai oublié le nom, on en a parlé tout à l'heure. Bird. Non, Don Bailo. Don Bailo, ah oui. Le fameux Don Bailo de Jim Jarmusch avec Tom Waits et Robert Tolini. On est sur Bouddha Roots, ça touche à sa fin. On a du son qui est là, qui attend de monter un peu plus pour finir le Bouddha Clan, pour finir l'émission. Le 28 octobre, on fait une anthologie. Alors là, c'est une grosse émission. C'est Pierre Julien qui a eu l'anthologie de. de Blue Dat Roots, où on, fera, voilà, on va balayer un petit peu tous les styles musicaux qu'on a vus depuis quelques années. Les 4 dernières années, facile. Ouais, on en rajoutera un qu'on n'a pas encore vu, auquel je tiens. Et voilà, ça va partir donc, ça tombe du gospel au jazz, au blues, à la soul. On va essayer de caler tout ça en 2 heures. Et après, bah, on a plein de surprises et plein de thèmes pour la suite de l'année. Hip-hop volume 3. Hip-hop volume 3, French Hip-Hop. J'y reste. Et une belle émission que nous concluter Pierre-Julien sur la culture pro. Et ça, il y a droit. Je vais pas la concocter tout seul, hein, quand même. Non, pas tout seul. Non, mais bon. Voilà, donc, J'aurai quand même ton assistance et puis une intervention de quelqu'un que vous commencez à connaître aussi. On espère qu'il sera parmi nous. En tout cas, merci. Merci à tous. Ouais. Merci du bisou pour. Merci Stéphane, merci pour ce passage en frontline. Ouais, c'est. Pour passer du bon son. Ouais, une belle playlist. On te remercie pour tous ces points de connaissance sur le hip-hop. Et puis, effectivement, hip-hop au plus 3 bientôt. Fin début d'année quoi. Avec Mathieu. Début d'année. Avec Mathieu à qui on pense. Mathieu qui va revenir, effectivement. Mathieu. Et un grand merci à Pierre Julien dans la cabine. Merci Pierre Julien. On n'a pas trop attendu. Désolé fille pour la voix, mais voilà, il va dire un petit mot. Pas de soucis. Merci à tous. Passez une bonne soirée sur Radio Mon Pays 90.1. C'était Blue Dat Roots. Au mois prochain.